C'est la faute à mes nodules. Si je chante comme ça. Et puis les chanteurs que j'adule ne chantent pas non plus comme ça. Chanteur de Mexico, je t'encule. Carmina Burana. Ces villes sont barbiers ridicules. Ne m'intéresse pas. Ils chantent bien trop bas. Je suis un chanteur d'apéro. Chante pas non plus comme ça.